va mal. Nous avec, les jeunes ont mal. Mais pour eux, c'est pas normal. Avis au peuple. La France va mal. C'est la rafale. On a essayé de garder le calme pendant trop de temps, mais à la fin c'est les politiciens qui étaient moins contents. On est passé du franc à l'euro, tout a augmenté. On est passé des bons flics à des oraux. Ils ont multiplié les bavures, ils ont choisi la guerre. Ils nous ont mis en délinquance dans leurs revues. On est la cible des médias, on fait leur première page, mais seulement si on fait des gros braquages. La NPE accueille de plus en plus d'immigrés. Monsieur le président, y'aura plus le temps pour les regrets. Et pour le taf, on correspond jamais à leur profil. Mais pour la France, on est juste bon dans le profit. Avec un bac plus, tu peux finir chômeur. Si tu mets deux buts pour la France, là tu fais honneur. Et dans les rues, les yeux se braquent sur les casquettes. On te met dans les suspects, t'as une virgule sur les baskets. Et Sarko, tu sais que le voile n'a pas de couleur. C'est quoi qui te gêne? Tu sais que le voile n'a pas d'odeur. À croire qu'il y a du racisme, j'incite les jeunes au vote. Le Pen président, ils diront que c'est pas de leur faute. La France va mal et nous avec, les jeunes ont mal. On veut être libre mais pour eux c'est pas normal. La France va mal, on se croirait en dictature. La France t'a mal, c'est normal, on brûle tes voitures. La France va mal et nous avec, les jeunes ont mal. On veut être libre mais pour eux c'est pas normal. La France va mal, on se croirait en dictature. La France t'a mal, c'est normal, on brûle tes voitures. La France rime avec manigance, trafic d'influence. Et la paix, je te présente mes condoléances. Ils nous ont réunis dans des HLM démunis. À chaque feu rouge, c'est la Roumanie. Une petite pièce pour nettoyer ton pare-brise. Un sourire pour nourrir un SDF noyé dans la crise. Mais l'humain n'a plus le cœur assez gros pour y loger tout ça. De la stara qui soit accro. Y'a des skinheads qui ne passent jamais sur les 20h. Des dangereux, des sectes, mais on n'en parle qu'un quart d'heure. Y'a des perquisitions, y'a des contrôles de police. Y'a des bavures, y'a des matraques, y'a des réquisitions. Ils voient les jeunes comme une menace, on a droit à rien. Ils nous poussent à penser que Marianne est une garce. On a droit qu'à des taxes, à des dettes, à des amendes, à des mandats d'arrêt. Ils nous mentent, ils prennent tout notre argent pour investir dans leurs bombes. Madame la France, vous êtes trop loin de la Joconde. On veut s'en sortir, mais on nous sous-estime. On veut un chéquier et une CB pour avoir le style. La France va mal et nous avec, les jeunes ont mal. On veut être libre et pour eux c'est pas normal. La France va mal, on se croirait en dictature. La France t'a mal, c'est normal, on brûle tes voitures. La France va mal et nous avec, les jeunes ont mal. On veut être libre mais pour eux c'est pas normal. La France va mal, on se croirait en dictature. La France t'a mal, c'est normal, on brûle tes voitures. Je vais pas mentir au peuple, on le sait qu'il y a du vol. Comment veux-tu qu'on vive, on a aucun accès à la gold. Personne ne vole pour le plaisir, mais n'oublie surtout pas qu'ici même tes meubles on peut te les saisir. Rien nous appartient, à part peut-être l'amour. L'amour d'une mère, à la mienne j'y pense chaque jour. Ils nous réservent le pire, ils veulent nous expulser. Mais ils oublient une chance, c'est qu'on est aussi français. Fallait s'y attendre, fallait que ça pète. Fallait se faire entendre, ça rentre dans leur tête. Fallait être moins tendre. Y'a eu les émeutes et les brûlures de voitures. Mais très intelligents, ils ont répondu par des bavures. Ils ont instauré le couvre-feu, ils ont décoré les mauvais flics après une violence de feu. Ils nous ont menacés avec des flashballs, des fusils à pompe. Ils ont même mêlé Interpol. Il y a des CRS, des hommes armés dans toutes les rues. On est interpellés par des mots trop crus et des cocktails Molotov dans les malles. La France va mal, on en a marre, mais ils trouvent que c'est pas normal. La France va mal et nous avec, les jeunes ont mal. On veut être libre mais pour eux c'est pas normal. La France va mal, on se croirait en dictature. La France t'a mal, c'est normal, on brûle tes voitures. La France va mal et nous avec, les jeunes ont mal. On veut être libre mais pour eux c'est pas normal. La France va mal, on se croirait en dictature. La France t'a mal, c'est normal, on brûle tes voitures.